Reprends-moi car Joanda, Joanda sur toi Yahweh, tout ce que j'ai c'est toi qui me donne, tu m'as comblé de tes grâces. Yahweh, reprends-moi, pourquoi toutes ces grâces nous retournent contre moi? S'il te plaît, Yahweh, ne les laisse pas m'atteindre. Son immense. Mon succès vient de toi, Yahweh. Mais je n'aurais jamais imaginé qu'il s'accompagne de tant de haine. Bignana bago ribanke na me. Holo holo holo. Bignana ba ovenbanke na me. S'il te plaît, Yahweh. S'il te plaît, veille sur moi. Bégalabalabalo. S'il te plaît, Yahweh. Ne les laisse pas m'attendre.